Après minuit dans les vagues, je peux pas rentrer, j'ai encore du monde à fréquenter. Je vais chercher seul mes tables. Connexion celle des Antilles, je vais rentrer. Le X a des V sur la béquille, le shooter est pas lourd. Mauvais comme Mario Ball, au Delhi j'ai sorti le fer, c'est l'état lourien. L'été où y'avait pas les sorties, ma présence est 10 000, bébé j'encaisse pas moins. J'éteins les packs, c'est non, t'inquiète on est pas loin. Un Sigisa qui veut le con, le criminel dans la ville, j'connais pas, dis-moi c'est quoi son blaze. Ça, Sigisa qui veut le con, le criminel dans la ville, j'connais pas, dis-moi c'est quoi son blaze. Me prends un branché jusqu'au trou. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait le somme. Si t'es client, tu vas marcher jusqu'au four. Au four. Ah, dis-moi c'est quoi son blaze. Celui qui joue au pont. Ton biche n'est pas rentable. Pourquoi tu roses le ton? Ah, dis-moi c'est quoi son blaze. Celui qui joue au pont. Ton biche n'est pas rentable. Pourquoi tu roses le ton? J'entends les villes en libre. J'entends les feux que j'entends le fané tour, j'entends les piles en ligne. J'entends les gyros, on fait demi-tour, cavale avant d'arriver. Avant d'arriver. C'est pas des bonbons, j'ai dans la sacoche, mais plutôt le métal qui fout dans le cercueil, bébé. Stut sur le CV, on m'a pas aidé. Demande à Dédé. J'griffe c'est les cités de France, ta tête à pépé. J'suis pété dans le tété. Ça va finir en tété, tété, tété. Un Sigisa qui veut le con, le criminel. Dans la ville, j'connais pas, dis-moi c'est quoi son blaze. Ça, c'est qui ça, qui veut le con, le criminel. Dans la ville, j'connais pas, dis-moi c'est quoi son blaze. T'es gagné de mal, t'es comme Franzac branché jusqu'au bout. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait les sommes. Si t'es client, tu vas marcher jusqu'au bout.